Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en direct de Radio Gamozo pour une nouvelle émission des Oreilles du Monde. Il est 10h ce matin et nous sommes le jeudi 16 janvier. C'est pour nous la première émission de cette année 2020. Bienvenue à tous. Comme je vous disais, nous sommes en direct de l'émission Les Oreilles du Monde, présentée par l'association Les Mondes l'Utopie. Les Oreilles du Monde, c'est chaque deuxième jeudi du mois, autour des musiques du monde, des événements de notre association, mais c'est aussi des interviews, des coups de cœur, et tout ça pendant 1h30. Aujourd'hui, nous sommes en direct avec Nanou. Bonjour Nanou. Bonjour tout le monde. Donc, il y a aussi Mounir aujourd'hui qui nous accompagne, qui fait une petite formation à la technique. Aloha. Donc, voilà, nous allons démarrer cette émission par Nanou qui va nous présenter les vœux de l'association des Mondes l'Utopie. Eh bien, comme vient de dire Flo, on va commencer cette première émission de l'année par vous souhaiter nos vœux. Donc, tous les membres actifs de l'association Les Mondes l'Utopie vous souhaitent une année 2020 pleine de couleurs. On vous souhaite aussi d'apprécier chaque petit instant de bonheur, qu'il soit caché dans un sourire, dans un paysage, dans une rencontre, dans un moment de partage avec soi-même ou avec autrui, et plein de belles choses pour vos projets et vos réalisations personnelles. On souhaite également un élan d'amour, de douceur et d'apaisement dans notre monde actuel. Nous allons revenir maintenant rapidement sur notre année 2019, qui fut très positive, avec nos 5 événements habituels. Donc concerts d'hiver, cultivons nos passions, la fête de la musique, temps de pause et réveillons-nous. Avec comme d'habitude un public allant de 6 mois à 90 ans. Et notre participation aussi à la fête des simples avec l'aide de la glaneuse des saveurs. Et donc pour la fête des simples, nous avons quand même préparé 600 repas. Ce qui a permis d'apporter un petit peu d'argent à l'association pour continuer nos événements. L'association compte maintenant plus de 190 adhérents, 30 bénévoles et une dizaine de membres actifs. Notre nouvel événement Réveillons-nous a eu un franc succès avec plus de 220 réservations pour les repas et qui était complet début décembre. Voilà, donc nous sommes très très heureux de ce challenge parce que ce fut un vrai challenge pour nous, n'est-ce pas Flo ? Oui, oui, c'est vrai, incroyable cette année 2019. Voilà, c'était un nouvel an sous le signe des musiques latines et aussi de la découverte culinaire des pays latins et c'était, voilà, ce fut un franc succès, nous en sommes très heureux et le public aussi était très heureux, on a eu de très bons retours. Eh bien, pour cette belle année 2019, nous remercions déjà le public de sa confiance et aussi pour sa bonne vibe qu'il apporte à chacun de nos événements. Nous remercions également la mairie de Rochesson, la communauté de communes, le département pour leur soutien. Nous remercions les associations qui nous aident, comme l'association familiale et rurale, l'école de Rochesson, le comité de jumelage et le Super U de Vanier aussi, qui nous donne des petits coups de... Et ça, c'est plutôt chouette. Et puis, comme d'habitude, on remercie aussi tous les producteurs et artisans locaux qui nous offrent des produits de qualité, comme les brasseries artisanales de la Golaye et de la Tumulte, la ferme de la Chouette et le maraîcher Reboun pour leurs bons légumes, le GAEC des Crêtes du Rut pour leurs œufs, les boulangeries Albeissen, Valdener et la boulangerie du Gab à Cornimont. On remercie également l'atelier Fred La Belle Marée et la glaneuse des saveurs, bien sûr, alias Chacha, qui fait partie de l'association Les Mondes l'Utopie. Flo, t'aurais quelque chose à rajouter sur les remerciements ? Non, sur l'année 2019, c'est un bon constat. Il me semble que ça soit humain, financier. On est content au sein de l'asso et on vous l'annoncera à la future AG qui se déroulera au courant début de cette année. La date n'est pas encore tout à fait fixe, mais ça viendra dans les temps à venir. Donc voilà, on va enchaîner du coup sur l'émission. Donc pour ceux qui nous écoutent ou qui nous rejoignent, donc voilà, Nanou vient de faire une brève rétrospective sur l'année 2019, l'annonce des vœux. On est toujours en direct sur Radio Gamozo dans notre émission Les Oreilles du Monde. On va aujourd'hui directement passer à la présentation de saison 2020. Donc la saison 2020 se veut éclectique comme chaque année, avec toujours des groupes aux sonorités musique du monde, des découvertes qui nous viennent des quatre coins de la France et d'ailleurs. Ils puissent bien souvent leur inspiration dans les musiques qui est trans traditionnelles. On débutera cette année par concert d'hiver, une formule uniquement concert où vous pourrez découvrir trois groupes aux diverses influences. Donc tout d'abord, Le premier groupe qui ouvrira la soirée le 22 février, le samedi 22 février à partir de 8h à la salle des fêtes de Rochesson, et ben encore, il est encore inconnu. Donc un peu de suspense, ça viendra. On vous en parlera au début février avec notamment des interviews des différents groupes qui joueront le 22. Donc la soirée continuera avec Tousdek. Tousdek, c'est un brass band dont les compositions puisent dans le... dans les registres transversales classiques ou jazz, des investigateurs du vieux continent jusqu'au beat percussif et vigoureux des brass bands américains. C'est 8 musiciens qui revisitent différents codes musicaux pour bâtir un répertoire varié, sortant des sentiers battus. Les ambiances se relèvent poétiques, lyriques, sensibles, avec en toile de fond un état d'esprit et une interprétation résolument festive. Il n'est pas question d'oublier les origines fanfaronesques. Percussion et hélicon donnent la pulsation, trombone, trompette et ténor en section forment un bloc puissant. Le soprano et l'alto débridé et complice voltigent des mélodies en chorus sur une énergie débordante que le groupe prend plaisir à faire partager. Tousdek s'inspire des groupes suivants, des groupes ou des artistes suivants tels que Danny Elfman, Boban Markovic, Béla Bartok ou encore Eric Truffaz. Donc voilà, ils viendront vous présenter leur nouvel album qui est sorti en novembre 2019. S'ensuira le groupe Liwal, ex-groupe Deyosan. Donc Deyosan devient Liwal en décembre 2019. C'est une toute nouvelle formation que vous aurez la chance de découvrir pour la première fois puisqu'ils feront leur tout premier concert au Monde l'Utopie le 22 février. Aux côtés de la clarinette et de la batterie de Deyosan qui... composait le groupe, parce que pour rappeler un peu, Deyosan c'était une clarinette, une batterie et une sitar indienne. Donc la sitar indienne est remplacée par deux nouveaux musiciens, un claviériste et un joueur de bouzouki, et de oud. Liwal reste fidèle à ses influences entre la trance et la musique du monde. Leur répertoire sera construit autour des différents albums écrits sous le nom Deyosan. Sur place, à notre événement, on vous proposera de la petite restauration et un bar aux couleurs des mondes de l'utopie, avec des bières artisanales et locales, toujours, des vins bio, des jus bio et locaux, ainsi que des boissons sans alcool faites par nos soins. Donc on va tout de suite découvrir ensemble quelques morceaux de Tousdek et quelques morceaux de Deyosan. Nanou, tu veux nous rajouter quelque chose ? Eh ouais, je veux rajouter quelque chose, c'est que pour le repas du 22 février, nous aurons des petits beignets aux saveurs d'ailleurs et aussi des délicieux cakes qui auront aussi ces saveurs ensoleillées. Donc voilà, on a hâte de se retrouver le 22 février pour notre premier événement de l'association Concert d'hiver. D'ailleurs, vous allez bientôt voir des affiches qui vont apparaître dans vos villages, dans vos bars, dans vos boulangeries. On va bientôt les recevoir et du coup, vous pourrez en parler à vos amis et venir nombreux à notre premier événement de l'année. Donc, on découvre tout de suite Supernova Nova de la fanfare Tousdek, de l'album La Tuyauterie, sorti en 2013. Thank you. que... Ah voilà, c'est revenu. Petit problème technique, excusez-nous. Donc nous sommes toujours en direct de l'émission Les Oreilles du Monde, proposée par Les Mondes l'Utopie sur Radio Gémozo. Donc voilà, vous venez d'écouter Supernova, un morceau de la fanfare Tous Deck présent à notre événement concert d'hiver le 22 février. Donc on va tout de suite enchaîner avec un deuxième morceau de ce même groupe qui s'appelle Alloy. La fanfare Tous Deck, messieurs, dames, pour vous en direct de l'émission Les Mondes l'Utopie. Eh non, c'est pas en direct qu'il y a la fanfare avec nous en studio. Mais en tout cas, vous pourrez les retrouver dans les Vosges, ce groupe grenoblois qui vient le 22 février pour vous à Rochesson. Qu'est-ce que tu voulais rajouter, Nanou ? T'as bien aimé ce petit son ? Ah bah qu'on avait vachement de la chance. Super bon Zico, c'est en live tous ces instrumentistes. J'ai hâte de les voir. Et ben on va enchaîner avec le deuxième groupe de la soirée, Deyosan, avec le morceau Liwal, donc maintenant qui ne s'appelle plus Deyosan, mais qui s'appelle Liwal, comme ce morceau qu'on va écouter tout de suite ensemble, issu de leur dernier album, Charivari. Mmh. Ah, la musique douce et folle et à la fois envoûtante de Liwal à découvrir à Rochesson le 22 février. On enchaîne tout de suite avec le morceau Damas. C'était Damas du groupe Liwal, anciennement Deyosan. Donc vous êtes toujours en direct de l'émission Les Oreilles du Monde, présentée par les Mondes l'Utopie sur Radio Gemozo. Donc voilà, comme le direct est fait de plein de petites surprises, on vous annonce le troisième groupe de la soirée concert d'hiver du 22 février à Rochesson. Donc le troisième groupe, celui qui ouvrera la soirée, c'est le groupe La Petite Huguette, un groupe local. Donc La Petite Huguette compose ses refrains et décompose les chansons des années 30 à nos jours sur un rythme swing et décadent. Donc voilà, à découvrir. La Petite Huguette, vous pouvez le découvrir le week-end prochain, il me semble, dans le cadre du Spin It Live Tour chez Rudy à l'Estaminet à Vanier. Ils étaient lundi au Festival Accord des Montagnes à la Bresse. Et donc, ils seront parmi nous pour enflammer cette soirée le 22 février à partir de 20h à Rochesson. Donc voilà, on va enchaîner sur le deuxième événement de l'année. Le deuxième événement de l'année, c'est Repas Concert, et c'est Nanou qui nous le présente. Eh bien, Repas Concert aura lieu le 4 avril à 18h, et ce sera l'occasion de découvrir, bien sûr, un repas et des sonorités aux couleurs balkanes. Donc au menu de ce jour, une spécialité balkane, le borek, qui est une grosse tourte aux épinards et à la feta, qui sera accompagnée de sa viande et d'une délicieuse salade aux choux et aux pommes. Et bien sûr avec un dessert qui est encore surprise. Il sera à découvrir sur place. Et pour les sonorités, nous accueillerons deux groupes. Le premier groupe, c'est Modo Sayat, un groupe belge venu de Liège. Et c'est un grand honneur que d'accueillir ce talentueux groupe composé de 7 multi-instrumentistes qui nous offrira un folklore entrecroisé, excusez-moi, ça c'est aussi les aléas du direct, de différentes cultures qui puisent leurs racines autour de la Méditerranée, chantant et s'influençant de sonorités arabes, italiennes, libanaises et roms, où les percussions, les cuivres, les cordes et les vents répondent en chœur et en contretemps au chant. Modo Sayat nous fera voyager dans l'intemporalité des musiques balkanes et nous donnera envie, au fil de leurs compos, de danser, de festoyer, de rire et de pleurer. Sincèrement, c'est une exclusivité et on a encore une fois beaucoup de chance de les accueillir. Donc, je vais vous faire découvrir Modo Sayat avec deux extraits de leur album Bourge Babil. Et la première chanson, c'est Ayoli. C'est parti. Bonne découverte. Betute sama Mangesite jaftar badi kama vadini chi Marco Marco muro shavo le betute sama Mangesite jaftar badi kama vadini chi Taibu kisite kera Ke butzile shavora Ke butzile shavora Ke nazvali site mamu Taibu kisite kera ke butzile shavorak, butzile shavorak. Lepetute sama Mangesite chaftar badi kama fadinici Marco Marco muro shavo lepetute sama Mangesite chaftar badi kama fadinici Che man rosi Après ce premier extrait de Molo Sayed qui, moi, me touche en plein cœur, je vous propose d'en découvrir un deuxième, tout de suite. Amourabi, toujours extrait de l'album Bourge Babil, Molo Sayed, tout de suite sur Radio Guémozo. بدي حبيبي اسمر لونه على دلعونا على دلعونا راحوا الحبايب ما ودعونا راحوا الحبايب ما ودعونا هوا الشمال غير اللونه You Ah, moi les gars, je dois vous avouer que je suis déjà amoureuse. Je les ai pas encore vus en live, mais je vais fondre. C'est certain, c'est d'une qualité exceptionnelle. Et je rajoute que Molo Sayat, c'est plus d'une centaine de concerts depuis 2011, tout en Europe, au Canada et au Liban. Voilà, donc Molo Sayat, le 4 avril à Rochesson. Flo, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, moi je voulais faire un petit clin d'œil à quand même la personne qui m'a fait découvrir ce groupe. Et cette personne, c'est Angèle Beaugodard, qui est une super actrice de théâtre à découvrir aussi. Donc voilà, merci Angèle. Merci Flo. Et après Molo Sayat, nous laisserons la place à Turbo Gemzi. Alors ce trio strasbourgeois, instrumental et électro-balkan va nous faire enflammer le parquet avec de la voix, du saxophone, de la percue, de la batterie, de la basse et des samples, et nous entraînera dans leurs compos directement puisés dans le folklore albanais, ouzbek et de la montagne verte. Je n'en dis pas plus, je vous en dirai plus précisément le mois prochain, à notre prochaine émission, et là je vous laisse découvrir deux extraits, et le premier c'est Kokek 2020. C'est tout de suite en direct de l'émission Les Oreilles du Monde sur Radio Gemozo. Après ce premier extrait de Turbo Gamzy, je vous réinvite en voyage avec ce deuxième extrait, Épiroïde. Eh bien, avec ces extraits de nos deux groupes, vous l'aurez compris, Repas Concert, c'est un véritable voyage aux couleurs balkanes. Et ce sera le 4 avril à partir de 18h. Et je précise que, bien sûr, il y aura notre buvette avec les brasseries artisanales de la Goyal, de la Golaï. Dis donc, aujourd'hui, j'ai du mal à passer la première au niveau de ma prononciation. Donc, comme d'habitude, il y aura notre bar avec deux brasseries artisanales présentes, la Golaï et la Tumulte, et bien sûr, plein de softs préparés par nos soins. Et bien maintenant, je vais laisser la parole à Flo pour nous présenter au mois de mai, le 24 mai, Cultivons nos passions. Et bien moi, je voulais rappeler pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous rejoignent, qu'on est toujours en direct de la radio Gemozo dans l'émission Les Oreilles du Monde, présentée par les Mondes de l'Utopie. Donc voilà, on est en train de faire un peu une annonce de programmation de l'année 2020. Donc on commencera l'année avec concert d'hiver le 22 février, ensuite avec repas concert le 4 avril, et maintenant on enchaîne sur le troisième événement de l'année. C'est Cultivons nos passions. Qu'est-ce que c'est Cultivons nos passions ? C'est un dimanche hors du commun autour du développement durable avec un marché de producteurs et d'artisans locaux, un troc de plantes, des ateliers faire soi-même, un repas des familles, des spectacles d'art de rue, une conférence gesticuler ou pas, et un concert pour finir en dansant. Donc le concert que vous retrouverez le dimanche de Cultivons nos passions, le 24 mai, c'est le groupe La Pêche qui enflammera cette belle journée printanière avec son énergie balkanique. La Pêche, c'est un joyeux collectif musical dédié à l'étude et la célébration des musiques populaires d'Europe de l'Est, créé à San Francisco, pas des moindres, puis exporté en Europe dès 2017 sur la direction du saxophoniste Paul Bertin. Le groupe rassemble des musiciens de haut vol pour créer un son unique, notamment joué à Tulum Jazz Festival au Mexique, Vidor Festival en Hongrie, collaboré avec Balcumbia à Barcelone et Inspector Gadget à San Francisco. Découvrons en musique ce groupe avec plusieurs morceaux. Alors Nanou, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que sur Cultivons nos passions, tu veux ajouter quelque chose? Qu'est-ce que c'est, une grosse journée, le repas, tout ça, qu'est-ce qu'on va proposer? Haha, bonne question Flo. Alors eh ben, je n'ai rien noté pour le repas de Cultivons nos passions, cependant pour vous en reparler tout vite, eh ben, ça sera un on vous en reparlera tout vite. Ok, alors on va écouter La Pêche dans quelques instants, puisque je ne suis pas vraiment prêt en technique pour vous faire écouter La Pêche. Ah. Donc ça arrive dans une petite minute. Oui. On peut rajouter que Cultivons nos passions, c'est une journée de découverte et pour les familles où il y aura un coin pour se reposer, il y aura des ateliers pour tous les âges, un troc aux plantes si vous voulez emmener vous vos petits plants ou si alors vous voulez en échanger. Il y aura aussi un petit marché de producteurs locaux qui seront là pour vous expliquer comment ils font leurs produits et qu'est-ce qu'ils ont comme particularité. Comme l'a dit Flo, une conférence, soit gesticulée ou soit pas, mais dans tous les cas, ça sera intéressant. Peut-être un spectacle de rue à voir, et bien sûr, le concert le soir. Et voilà, du coup, on enchaîne tout de suite avec le groupe La Pêche, Aura Louis Cornel. Thank you. Chère auditrice, cher auditeur, j'espère qu'on vous donne la pêche en ce jeudi matin ensoleillé. Donc nous sommes toujours dans l'émission Les Oreilles du Monde. C'était le groupe La Pêche. La Pêche à découvrir le dimanche 24 mai lors de notre événement Cultivons nos passions. On enchaîne tout de suite avec un deuxième morceau qui s'appelle Pif. Et voilà, c'était le groupe La Pêche. Donc, venez le découvrir. Franchement, ce groupe est à découvrir. Incroyable. Et de talentueux musiciens le composent. Ils sont quatre. Donc, La Pêche, le samedi... Ce dimanche. Le dimanche 24 mai 2020 à Rochesson. Donc, Nanou va enchaîner avec le quatrième événement de l'année, qui est Temps de Pause. Et qui se passe en automne. Donc, Temps de Pause qui aura lieu le combien, Flo? Tu l'as en tête, toi, le 19 octobre? Non, c'est le 17. Bon, bah donc, nous allons dire mi-octobre, temps de pause. Je vous donnerai plus de précisions au fil de l'année. Donc, temps de pause, c'est notre événement qui porte bien son nom. C'est le début de l'automne et c'est un événement qui est là pour prendre le temps pour soi. Avec toute la journée des ateliers, donc nous ne les avons pas encore mis en place. Mais pour vous donner une petite idée, nous y avons déjà conduit des ateliers d'acro-yoga, de danse derviche, de danse africaine, de percussion corporelle, donc qui tournent autour de la découverte des chants et des danses. Et donc des ateliers toute la journée, comme je disais. Notre repas sera le signe du soleil, avec le wok du soleil, donc aux influences asiatiques. Mais encore une fois, je ne vous en dis pas plus. Et pour les concerts, nous accueillerons deux groupes et le premier groupe est Laouage que nous avons déjà accueilli il y a 2 ans et qui revient pour nous présenter leur deuxième album. Donc Laouage est un duo, c'est un couple qui mélange les sons terriens du didgeridoo et du beatbox avec les sonorités aériennes du hang et de la flûte traversière. Ce mélange de sonorités entre en nous et il provoque une dualité qui nous transporte et ne nous laisse pas indifférents. Voilà comment moi je définis Laouage. C'est très beau, c'est très doux et ça envoie du pâté. Donc pour vous présenter Laouage ou vous les représenter, pour ceux qui étaient présents il y a 2 ans, voici le premier extrait de leur premier album, Désert. C'est parti Flo. Thank you. Ah, la ouage de la douceur et du rythme comme on aime. Et tout de suite, un deuxième extrait, encore une fois, de leur premier album, parce que leur deuxième n'est qu'en préparation. C'est pour ça qu'ils viendront nous le présenter qu'en octobre pour temps de pause. Deuxième extrait du premier album de la ouage, Tatoum. C'est parti. Bonne écoute. C'était la ouage avec son style unique. Eh bien, vu qu'il est déjà 11h20, je ne vais pas vous parler du deuxième groupe qui passera à temps de pause. Je vais simplement vous en dire une petite phrase pour vous mettre l'eau à la bouche. Eh bien, nous accueillerons un multi-instrumentiste qui, dans un style unique, remixe les paysages sonores du monde en mélangeant tour à tour didgeridoo, balafon, vielle à roue et guimbarde, et qui pratique aussi le beatbox, et que ça fait 2 ans que nous voulons le faire venir. Voilà, ça j'aurai l'occasion de préciser et peut-être même de l'avoir en interview pendant l'année, je l'espère. Et là tout de suite, je laisse la parole à Flo pour notre dernier événement de l'année. Réveillons-nous. Ouais, pour vous laisser un peu plus le suspense, je vous laisse écouter quand même une petite chanson de ce deuxième groupe qui viendra peut-être à temps de pause 2020. Et voilà pour Temps de Pause, donc, qui sera notre quatrième événement de l'année 2020. Et le cinquième événement de l'année 2020, ça sera Réveillons-nous le 31 décembre 2020. Pour cette année, ce sera les Balkans ou la Russie à l'honneur. C'est pas encore très bien défini, avec un menu sur mesure fait par nos soins, par l'ensemble des bénévoles, servis à table, tout ça, comme ce nouvel an qui vient de passer. Donc, je rappelle que cette année, nous étions complets fin novembre, donc pensez à réserver assez tôt pour le 31 décembre prochain et à réserver cette date sur votre agenda. Donc, voilà pour l'annonce de programmation de cette année. D'autres dates viendront sûrement se rajouter au programme, qui ne sont pas encore définies. On a une grosse réunion ce vendredi soir au sein de l'association pour voter d'autres formules qu'on va mettre en place. Donc c'est encore un peu la surprise, on vous en parlera plus dans les temps à venir. Voilà pour cette émission, il me semble qu'on a tout dit pour aujourd'hui, ça s'arrête là, c'est déjà l'heure de nous quitter. J'espère que l'émission vous a plu et qu'elle a égayé votre journée avec ce beau soleil qu'il y a dehors, que vous allez profiter du réchauffement climatique qui berce notre petite planète. Vous pourrez retrouver toutes les références des musiques écoutées tout au long de cette émission matinale et mensuelle, Les Oreilles du Monde, sur le site internet de Radio Gemozo et sur le lien Facebook. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci à Radio Gemozo qui nous accueille depuis plus d'un an maintenant. Et on se retrouve pour une nouvelle émission le jeudi 13 février avec les interviews des groupes de concerts divers de samedi 22 février à Rochesson. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Des gros bisous et belle journée à toutes et à tous. Merci à vous. Au revoir.